par l'histoire appelée au devoir de lutter, envers et contre tous quand se meurt la cité. Quel destin est le mien, militant de ma France, les lauriers de la gloire ou le joug des souffrances? Il a tant d'ennemis, notre bel idéal, tant d'apôtres sans foi, tant d'esclaves du mal, que sans l'aide de Dieu, vains seront mes efforts. Jamais je ne serai du côté des plus forts. Ne suis-je pas du mal et contre mon désir, le premier serviteur par le goût des plaisirs, qui berce mon esprit vers un confort infâme? D'amour, mon cœur est plein, mais il pleut sur mon âme. Chaque jour, je t'affronte, toi, vicissitude, amoureux d'espérance et de béatitude, enchaîné par les liens d'un monde qui se perd, je me bats pour rester digne fils de mes pères. Nul combat n'est fatal, nulle épreuve n'est vaine, si je sais avancer sans ménager ma peine, car de ma servitude est nourrie mon ardeur, et l'ardeur d'un Français enfante la grandeur.